السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، البارحة أو قبل البارحة، نعم، تحدثنا عن فضل الطهارة والوضوء بالأخص. نكمل ما قد سبق الليلة إن شاء الله تعالى. Nous sommes entrés dans un nouveau cours. Nous avons commencé à nous rappeler le mérite de la purification et le bienfait, et plus particulièrement certains bienfaits des ablutions. Et nous allons compléter ce cours, inshallah ta'ala, ce soir. ومما ذكرنا أو ومما تذكرنا أن من فضائل الوضوء أنه سبب لدخول الجنة، هو سبب لدخول الجنة. Parmi les bienfaits que nous nous sommes rappelés avant-hier, la purification ou bien l'wudu est une cause pour entrer au paradis. Comme dalla ala dhalik hadith Abdullah ibn Buraydah radiyallahu anhu, حيث قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a appelé Bilal et a dit: Ô Bilal, par quelle chose m'as-tu devancé au paradis? Car je suis entré au paradis hier soir et j'ai entendu le pas ou le pas de tes pieds devant moi. Alors Bilal radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ma adhantu ou ma adhantu qat illa sallaytu rak'atayn wa la asabani hadathun qat illa tawadda'tu 'indah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bihadha. Bilal radiallahu anhu a répondu: À chaque fois que je fais l'appel à la prière, je fais suivre cela de deux unités de prière. Et à chaque fois que je perds mes ablutions, je les refais. À ce moment-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est donc cela. C'est donc par cela. Dans une autre version du hadith, ou bien dans un autre hadith, Bilal radiallahu anhu a dit: à chaque fois que je fais mes ablutions, je prie ce qu'Allah m'a écrit, que ce soit dans une heure de la journée ou de la nuit. À chaque fois que je fais mes ablutions, je prie ce qu'Allah m'a écrit. Naam. Et dans cela, nous voyons sunnatul wudu, ou min sunanil wudu. Et dans ce hadith, il y a une faïda qui viendra plus tard, c'est que parmi les choses recommandées là ou après al wudu, le fait de faire deux unités de prière ou plus. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهي عليها إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nulle personne n'accomplira ses ablutions de la bonne manière ou de la meilleure manière, puis fera suivre cela de deux unités de prière en ayant un cœur dirigé vers celle-ci, un cœur et un visage dirigé vers celle-ci, sans qu'Allah ne lui accorde par cela, ou bien sans que ne lui revienne de droit le paradis. Sans que ne lui revienne de droit le paradis. Rawah Muslim. Subhanallah. Rajul yatawadda ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yataqayyad bi shar'illahi subhanahu wa ta'ala wa yaqsud بهذه الأفعال بهذا الوضوء وجه الله تبارك وتعالى ثم يقوم يصلي كم يصلي ركعتين يصلي ركعتين بقلب حي توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجبت له الجنة. Ici, on voit la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ici d'actions qui vont faire entrer le serviteur au paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il s'agit d'actions difficiles? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça demande de nombreux efforts? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il fait ses ablutions. Wa yuhsinu dhalik. Il les fait. Ou il parfait ses ablutions. Et il accomplit deux unités de prière avec concentration. Quelle sera sa récompense? Le paradis. As'Allah min fadli. Thumma ba'da dhalik. Min fada'il. Al-wudu mudha'afatul ujur. Parmi les mérites de la purification, bien des ablutions, il y a le fait que par cela Allah subhanahu wa ta'ala te multiplie tes récompenses. Comme dalla ala dhalik hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajul fi jama'atin تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم يتوضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة فلم يخف خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière accomplie par l'homme en groupe est meilleure que sa prière accomplie chez lui, dans sa maison ou au marché. Elle est meilleure de 27 degrés. Bid'a ma bayna thalathin wa tis'a. Le mot bid'a, c'est un chiffre compris entre 3 et 9. Donc la personne qui accomplit la prière en groupe, cette prière est meilleure que la prière qu'il effectuera chez lui ou au marché, de 27 degrés. de 23, 25, 27 ou 29 degrés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ceci car si il fait ses ablutions de la meilleure manière, puis se rend à la mosquée, et il ne sort de chez lui n'ayant comme but que d'aller à la mosquée, à ce moment-là, il ne fera pas un pas sans que par cela on l'élève d'un degré et on lui enlève un péché jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Donc du moment où tu sors de chez toi jusqu'à entrer dans la mosquée, pour chaque pas on t'élève d'un degré, on t'efface un péché. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis lorsqu'il entre à la mosquée, il sera considéré en prière. Kana fi salah. Ma kanat as-salah yatahbisu. Tant que c'est la prière qui le retient. Donc à partir du moment où tu entres à la mosquée, na'am, jusqu'au moment où tu pries, sache que tu es considéré en prière. Tu as la récompense. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبس. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un autre mérite. Il nous dit que les anges invoquent en sa faveur. Tant que la personne se trouve sur son lieu de prière, ils disent: oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, accepte son repentir. Tant qu'il ne nuit pas et tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Donc combien de bienfaits ici sont réunis dans ce hadith? Pour chaque pas, on t'élève d'un degré, on t'enlève un péché. Puis, tu as la récompense de la prière, tant que tu l'attends. Après celle-ci, ou bien aussi, les anges invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en ta faveur. Pour cela, il te faut être sur ton lieu de prière, et pour cela, il te faut garder la purification. Donc ce bien s'arrêtera que lorsque tu seras sorti d'une de ces deux choses-là. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: malam yu'zi fihi, tant qu'il ne nuit à personne. Contrairement à ceux qui se déplacent vers les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis nuisent aux gens. Et la plus grande nuisance que tu peux faire aux gens, c'est de les égarer du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de les égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur enseignant des choses contraires au Coran, en leur enseignant des choses contraires à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kal a'immatil mudillin الذين يضلون الخلق عن سواء السبيل. À l'image de ceux qu'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des imams égarés, égareurs, qui appellent aux portes de l'enfer. Iyadhan billah. Iyadhan billah. Le mérite suivant: الوضوء بركة على الإنسان عند النوم والاستيقاظ منه. La purification sera pour toi un bien au moment de te coucher et cela jusqu'au réveil. كما ثبت ذلك عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مر قريبا في درس الخميس إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أي على الإسلام على التوحيد. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا والنبيك الذي أرسلت. وفي رواية لمسلم وإن أصبحت أصبت خيرا رواه البخاري ومسلم. حديث من أبو متجيد للليبر الكريم الطيب من علامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. سيد الحديث دو البراء بن عازب رضي الله عنه dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit lorsque tu te mets au lit fais tes ablutions comme pour la prière puis allonge-toi sur le côté droit. Puis il lui a donné une dua, il lui a dit une dua. Al-Bara ibn Azib a répété cette dua au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au lieu de dire et j'ai cru au prophète que tu as envoyé, Al-Bara ibn Azib a dit et j'ai cru au messager que tu as envoyé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris et lui a dit non, dis et j'ai cru au prophète que tu as envoyé. Et ici, on voit l'importance du hifz, bidiqqa. Et ici, on voit l'importance de la mémorisation. Na'am, lorsque tu veux invoquer Allah Azza wa Jal, avec des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te faut être précis dans les termes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité les choses au hasard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité les choses au hasard. On voit aussi que celui qui enseigne vérifie que l'élève a bien compris. L'enseignant vérifie que l'élève a bien compris. Par la suite, dans la version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et si tu attends le matin, tu obtiendras du bien. Si tu attends le matin, tu obtiendras du bien. » Khayran ici, ça a été cité de manière indéfinie, nakera. Nous n'avons pas cité le bien en question. Naam, il a été laissé ainsi. Pourquoi les tafrim, comme a expliqué le Cheikh Abdurrazzaq Hafidhahullah Ta'ala, c'est pour nous montrer la grandeur du bien que tu obtiendras au matin et la multitude de biens. Un autre hadith, donc de ce hadith, on voit le bien qu'il y a à faire ses ablutions au coucher. Naam, que tu obtiens du bien donc le soir mais aussi le matin. Wa an Abi Umamah radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man awa ila firashi tahiran wa dhakara Allah ta'ala lam yanqalib sa'atan min al-layl yas'alu Allah shay'an min khayri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah kharrajahu at-Tirmidhi. Dans ce hadith, Abu Umama, radiallahu anhu, nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui entre dans son lit en état de pureté, c'est-à-dire après avoir fait ses ablutions, et invoque Allah, dans une version du hadith, jusqu'à ce qu'il somnole, mais l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, a dit que cet ajout n'était pas authentique. Et que le hadith était authentique sans cela. Il ne se tournera pas durant cette nuit en demandant quelque chose à Allah parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà sans qu'Allah ne lui accorde. La personne qui fait ses ablutions avant de dormir, puis durant son sommeil, se réveille, puis invoque Allah subhanahu wa ta'ala, son invocation soit acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que soit une chose ayant rapport avec ce bas monde ou une chose ayant rapport avec l'au-delà. Donc on voit le grand bien qu'il y a à faire ses ablutions avant de dormir et le mérite des ablutions de manière générale. Des textes ont aussi été cités quant au mérite de faire ses ablutions au réveil. Quant au mérite de faire ses ablutions au réveil et de faire par la suite, d'effectuer par la suite la prière. Comme cela est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans le hadith de Ubada ibn Samit. Nous avons également étudié ce hadith le jeudi dans l'explication du livre al-Kalim al-Tayyib. Hadith. من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث يعني à la fin s'il l'invoque son invocation sera acceptée et s'il prie sa prière sera acceptée. Le mérite suivant, comme on l'avait cité, lorsque le fils de Adam va dormir, Shaytan fait trois nœuds à l'arrière de sa tête. Fait trois nœuds à l'arrière de sa tête. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة أو عقدتان انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا كسلان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit الشيطان fait trois nœuds à l'arrière de la tête de la personne lorsqu'elle dort ou s'endort. Et à chaque nœud, il tape afin que sa nuit soit longue. Si le serviteur se réveille et invoque Allah, le premier nœud sera défait. Si par la suite il fait al-wudu, sa ablution, le deuxième se défera. Et si par la suite il prie, alors l'ensemble des nœuds partiront. Et il se réveillera alors ce matin avec vivacité. Il sera de bonne humeur. Et dans le cas contraire, il sera de mauvaise humeur et il sera paresseux. Le mérite suivant, al-wudu يعرف به المؤمن يوم القيامة فالوضوء علامة المؤمنين يوم القيامة يعرفهم بها أو به النبي صلى الله عليه وسلم. Les ablutions seront un des signes par lesquels le croyant sera reconnu par le prophète صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, les membres de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection en ayant des traces étincelantes au visage et aux membres. Et cela suite aux traces de l'Oudou. Dans l'autre hadith, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِي مِنَ الْوُضُوء وَأَنَا فَرَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Dans l'autre hadith, on nous cite la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il les devancera ou les attendra au bassin. Rawahu Muslim. Le bienfait suivant, le 13e ou le 14e ou plus, Al-wudu min asbab istijabati du'a. Al-wudu min asbab istijabati du'a. Les ablutions font partie des causes de l'acceptation des invocations du serviteur. Preuve de cela sont déjà passées dans les hadiths. Un hadith en plus, qui est dans le recueil d'Imam Ahmed, dans le Musnad d'Imam Ahmed, Hisham Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahumullah, l'a cité dans Sahih al-Musnad. C'est que la personne, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذكر رجلا أو رجلين. وقال في أحدهما يقوم الليل ويعالج نفسه إلى الطهور يتوضأ وفي نهاية الحديث فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي فهو له. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de deux personnes. Et il nous dit, concernant l'une d'entre elles, il se leva après la nuit, il a fait ses ablutions. À la fin du hadith, Allah dit, regardez mon serviteur, et à la fin du hadith, il me demande, tout ce que mon serviteur m'a demandé lui sera accordé. Tout ce que mon serviteur m'a demandé lui sera accordé. Donc ce hadith nous montre que parmi les mérites des ablutions, c'est qu'il fait partie des causes pour qu'Allah Azza wa Jal exauce ton invocation. Il y a encore des mérites, mais je m'arrêterai sur ceux que je vais citer, inshallah. أنه شرط لصحة أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. C'est que la purification et le wudu est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi l'action qu'il aime le plus. C'est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi l'action qu'il aime le plus. كما عند البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم fut questionné au sujet de l'action qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime le plus, il a répondu la prière en son temps. La prière en son temps. Il nous dit également, عليه الصلاة والسلام, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui n'a pas ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. Et cela nous suffit comme encouragement et comme cause pour étudier ce grand chapitre de fiqh. Al-tahara. Au minimum, ce qui est obligatoire, c'est-à-dire comment faire al-wudu, caractéristiques, les obligations, les annulatifs, et ce qui se rapporte à tout ça. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana في الدنيا والآخرة وأن يعلمنا ما جهلنا وأنفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما والحمد لله.